écoute, t'as la force de frapper, écoute. C'est quoi du beau rap, tu doutes, c'est que tu arraches. Un rap nerveux, interdit aux morveux. Ce que je dis est seul, Dieu le paradis notre seul vœu. Un rap nerveux, écoute, t'as la force de frapper, écoute. C'est quoi du beau rap, tu doutes, c'est que tu arraches. Un rap nerveux, interdit aux morveux. Ce que je dis est seul, Dieu le paradis notre seul vœu. J'pose mon texte, man. Complètement agressif, hey. Demande à Stom Alive comment la clique arrive. Rap nerveux. Gouvernement issu de la zone et les assos se posent. C'est atroce comme un coup de crosse. Écoute le chant des comores qui s'imposent. Des spéculateurs qui veulent le monopole. Écoute ces dramatiques cinématiques avec un flow énigmatique. Faites place aux artistes de la rue. Kiki. Faire plaisir aux supporters et la famille. Jimmy. Sur GIZ indépendant depuis 10 piges. Hey. Hardcore projet brise, titinaire sous l'emprise. Du sang avait discret, on vise l'explosif selon Bang. Cherche pas qui on est, consomme le produit de la street. Toujours massif sur nos textes, c'est le contrat avec la SIC. On rappe pas la joie, c'est pas dans notre quotidien. Visage franc quand je pense et la rage d'un crève la fin. Flou de fou, qu'on se croirait à Brooklyn. Discret, GIZ, rap de cocaïne. C'est l'époque où ça tire les porcs, où le rap sature, obligé d'arriver fort. Tu veux être reconnu, on braque les trucs, on me démarque face au MC. On se démarque artisanal, ça reste toujours nos marques de fabrique. Tu veux ou pas, discret restera gravé dans la street. Rap nerveux, écoute, t'as la force de frapper, écoute. C'est quoi du beau rap, tu doutes, c'est que tu arraches. Un rap nerveux, interdit aux morveux. Ce que je dis est seul, Dieu le paradis notre seul vœu. Un rap nerveux, écoute, t'as la force de frapper, écoute. C'est quoi du beau rap, tu doutes, c'est que tu arraches. Un rap nerveux, interdit aux morveux. Ce que je dis est seul, Dieu le paradis notre seul vœu. Mon rap est nerveux, mon style est dangereux. Tu reconnais le beat, quartier nord connaître. 13, 14, 15, tu reconnais. Nous y'a pas de gros bonnet. Écoute au vieux de la monnaie. On y est devant les policiers. Même si on est grillé, on est venu pour piller. La grenade est goupillée. Rappeur à la peau foncée, j'suis là pour tout défoncer. Le barrage va le forcer. Le missile est lancé. La cible le rap français. Pour eux ça va se corser. Même s'il faut tout dépenser. Pour un hip hop engagé, je serai dans les rangées. On les poste dans les tranchées. La riposte, en cas de danger, la cause pour se venger. Égorgé. Tu crois que c'est halal, c'est plutôt parallèle. Souvent énervé quand on rappe. Le beat et la caisse claire te frappe. Ou de piche qu'on fait cet arrêt, on compte pas lâcher la crap. Toujours un pétard, pas le train. Impossible que tu nous rattrapes. Street crédibilité, on a sauté aucune étape. C'est hardcore, project artisanal. J'peux t'assurer qu'on est tapin. On chiale pas derrière un mic, pas là pour faire le tapin. Brandis pas ton gun si tu tires pas. Des plaies de tchit pas, arrête de faire le pantin. J'te montre mon skeg MC, baisse-toi et tire un patin. Impossible de chanter la joie alors que c'est l'état d'urgence. Crise sociale, économique, les gros, l'État voudrait réduire nos chances. Un rap nerveux, écoute, t'as la force de frapper, écoute. C'est quoi du beau rap, tu doutes, c'est que tu arraches. Un rap nerveux, interdit aux morveux. Ce que je dis est seul, Dieu le paradis notre seul vœu. Un rap nerveux, écoute, t'as la force de frapper, écoute. C'est quoi du beau rap, tu doutes, c'est que tu arraches. Un rap nerveux, interdit aux morveux. Ce que je dis est seul, Dieu le paradis notre seul vœu. On vient exprimer notre rage avec un rap nerveux. Quand on se réunit entre Comoriens, on met le feu. On vient pour laisser nos empreintes. C'est GIZ discret, vas-y fais péter les enceintes. De là d'où je viens, des risques, y'en a plein. Lever les mains, c'est un braquage à visage découvert. Un rap ouvert, un rap qui nique sa mère. Un rap qui t'emmerde. On est enragé, déterminé à défoncer les portes. Y'a danger, les terrains sont minés. Mais on avance encore, on sait que le chemin est long. Mais pour l'instant, rien à foutre, on vient pour foutre la pression. Rap cocaïne pour les frangins qui perdent leur temps en détention. T'as dérapé, assume tes actions, ma voix sort tout droit des parfums. Non, faut pas tu arraches, c'est le son de ta cave, man, qui te laisse à la ramasse. On rap dangereux, toujours en indé. Tu sais qu'on reste prêt, on crache la vérité, man. La rue nous a forgé. Notre parcours, toujours en tente-ci, même si ça apprécie. La poésie des blocs, chaque jour, ça la fusille. Jour vrai dans nos écrits, pendant qu'ils vendent que du rêve. Notre art, ils achèvent avec le rap au moins de 16. Je laisse pas la vérité des miens, juste pour faire des lovés. Du rap engagé, c'est ce qu'on a toujours pas largué. Numéro 1 des chats du ghetto. Discret, GIZ, ça pue la rue, fait le tour. On est au réseau. Un rap nerveux, écoute, t'as la force de frapper, écoute. C'est quoi du beau rap, tu doutes, c'est que tu arraches. Un rap nerveux, interdit aux morveux. Ce que je dis est seul, Dieu le paradis notre seul vœu. Un rap nerveux, écoute, t'as la force de frapper, écoute. C'est quoi du beau rap, tu doutes, c'est que tu arraches. Un rap nerveux, interdit aux morveux. Ce que je dis est seul, Dieu le paradis notre seul vœu. Un rap nerveux.